RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous. Eh bien, c'est Alain Soral qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, on s'était rencontré il y a plus d'une dizaine d'années. Hein. C'était peu de temps après la sortie de votre livre Sociologie du dragueur, qui était sorti en 1996. Et ce livre, dans ce livre, vous montriez bien à quel point, quand on drague, enfin vous me l'aviez dit d'ailleurs, quand on drague 10 femmes, on est pratiquement sûr d'en avoir une le soir pour pouvoir dormir chez elle. Vous vous souvenez ? Oui, c'était... En fait, l'ironie, c'était un peu de montrer que la statistique et le travail quantitatif avaient une influence. Et c'était un peu provoquant, mais c'était vrai. C'est-à-dire que qui ne tente rien n'a rien. Et finalement, il fallait oser, quoi. Voilà, il y avait une part de provocation, mais il y avait une part de réalité sociologique là-dedans. Oui, alors maintenant, je vous pose la question. Vous avez vraiment été sur le terrain à ce point-là et vous draguiez vraiment Oui, quand j'étais, enfin, de l'âge de 18 ans à 35 ans, j'ai beaucoup dragué, oui. Au début, sans doute, par solitude, et puis petit à petit par jeu, et presque un peu comme un sport à un moment donné, et aussi avec une dimension littéraire et poétique, parce que j'écrivais là-dessus. Donc en fait, d'ailleurs, j'ai écrit pas mal de bouquins là-dessus, ça m'a permis d'exister socialement même. Vous êtes essayiste, hein, vous présentez comme essayiste. Et alors vous dites, c'était presque un jeu, et on s'améliore quand on pratique? Oui, parce qu'on prend confiance en soi, on est moins timide, donc plus léger, plus drôle. En réalité, beaucoup, beaucoup du problème dans l'approche des femmes vient de la peur, en fait. C'est-à-dire, on a peur, on surestime, on est dans l'angoisse, on est dans le désir et l'angoisse en même temps. On a très peur du non. On surévalue le non, quoi. C'est-à-dire, prendre une veste, et tout ça rend maladroit, parfois même agressif, tendu, etc. Or, quand on n'est jamais plus efficace que quand on s'en fout un peu. Et pour s'en foutre un peu, Donc il faut pas être amoureux déjà hein, pour bien draguer. L'amour ça vous tombe dessus, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est dans tous les films et dans tous les romans, quand on est amoureux, on est maladroit et un peu idiot. Et d'ailleurs, ça ne peut marcher que si l'autre est amoureux aussi. C'est-à-dire que c'est le miracle de l'amour, c'est que les deux sont nuls en même temps, mais comme ils s'attendaient, ça passe. Voilà. Et alors vous en êtes où aujourd'hui de votre situation? Vous êtes marié je crois hein? Oui, moi je suis marié depuis 15 ans à la même femme. J'ai une petite fille. Et ça aussi j'avais... C'est le grand écart donc? Non, je pense que la drague et la connaissance des femmes et aussi régler ses problèmes de désir, ses petites pathologies, etc. est un cheminement qui peut amener justement à la sérénité du couple. Alors que souvent les jeunes gens qui ignorent tout de l'autre et qui se marient très tôt, ben au bout de 2-3 ans, ils découvrent en cours de route des choses qu'ils auraient dû savoir avant de se marier et leur couple explose. C'est très souvent comme ça chez les gens qui ont été très fortement brimés sur le plan du désir, etc. ou qui ont beaucoup idéalisé parce qu'on les a élevés dans une culture de l'idéalisme de l'autre, etc. Et moi je pense que quand on a un vrai parcours, donc il faut avoir vécu avant de se marier. Moi je crois, Bah oui, parce que les couples d'ailleurs qui ignorent tout dans le monde actuel, au Moyen Âge c'était autrement, mais on voit bien que la durée moyenne des couples c'est 3 ans hein, aujourd'hui. Moi, je suis marié depuis 15 ans. Alors, vous avez écrit aussi Misère du désir. Hein. C'est un livre également où vous montrez à quel point le désir, c'est quelque chose de compliqué. Et moi, je trouve, je ne sais pas si la comparaison va vous plaire, mais je trouve que vos ouvrages, quelque part, me font penser un petit peu à Sade. Non pas pour leur côté sexuel, sadique, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a quelque chose de philosophique. Il y a du concept, oui. Moi, j'ai essayé de réfléchir sur la question de l'amour au sens le plus large, et ce qui est très difficile, parce que normalement, l'amour, c'est quand on cesse de réfléchir, par définition, hein. Théoriser sur l'amour, enfin d'autres l'ont fait, Stendhal l'a fait, etc. C'est toujours très difficile parce que il y a des tas de tabous à transgresser. C'est quelque chose d'un peu hérétique aussi. C'est comme de l'autopsie. Hein, c'est pour ça que je vous comparerais un petit peu comme ça à Sade, hein, une comparaison un peu exagérée, mais parce que chez Sade il y a quelque chose de totalement amoral et en même temps de totalement révolutionnaire. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut vous correspondre aussi? Oui, moi d'abord j'ai lu l'œuvre intégrale de Sade entre 20 et 23 ans, donc je connais très bien. Et Sade, c'est pas très sexuel en réalité, c'est tout sauf érotique. Hein. C'est transgressif énormément, ça se veut subversif tout le temps. C'est très moral en réalité, négativement, puisque ça montre... Amoral, oui. C'est une espèce d'apologie de l'immoralité. De bourgeois de la morale. Oui, c'est une apologie de l'immoralité, mais qui tient compte en permanence de la morale, parce que pour transgresser, il faut transgresser quelque chose. Donc c'est... Et puis, il y a une dimension politique chez Sade, et même quelque chose d'un peu pénible. C'est pas très excitant à lire Sade sur le plan érotique. C'est très mécanique, très répétitif. Je suis bien d'accord, moi, je suis pas fan. C'est très fascinant. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Il y a des tas de niveaux de lecture chez Sade, et peut-être chez moi aussi, d'ailleurs. Alors, vous avez une façon de voir les femmes qui est assez curieuse. On n'arrive pas trop à savoir si finalement vous aimez les femmes. On a l'impression que vous aimez surtout la femme qui représente la maternité. Vous êtes très contre les féministes, par exemple. Je me suis souvent moqué, comment dirais-je, du féminisme mondain et du féminisme médiatique. J'ai toujours respecté le féminisme de social réel, c'est-à-dire l'égalité des salaires, la situation de la femme et la double journée, etc. Mais je me suis toujours moqué des femmes qui parlaient au nom des autres femmes, qui étaient des grandes bourgeoises, qui n'avaient pas du tout les mêmes problèmes que les femmes du monde du travail. J'ai été mal compris là-dessus, souvent. Alors, ouais. Justement, j'ai un auditeur, je crois, qui veut venir sur ce sujet-là. Je crois que c'est Philippe. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour, Brigitte. Bonjour. Je crois que vous parlez justement de ces classifications féministes qu'a fait Alain Soral, hein, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bonjour Monsieur Soral. Bonjour. Donc, j'aime bien me tenir au courant de tout ce qui est actualité et tout ce qui est un peu sujet à polémique. Et donc, il y a quand même des termes qui me dérangent et que je souhaitais vous entendre évoquer. Au-delà de votre critique du féminisme, vous évoquez plusieurs catégories. Donc, vous évoquez la bourgeoise qui est une flippée ou une pétasse, qui devient une femme objet. Vous parlez de la femme normale. Donc, moi, je voulais vous dire que ces femmes-là, je les aime toutes. Je les aime toutes parce qu'elles ont des charmes et des qualités différentes. On en a besoin à différents moments. Et donc, je voulais savoir comment vous mettiez ces personnes-là, avec leurs différentes qualités, leurs défauts aussi, dans ces catégories. Donc moi je vous dirais que je les aime toutes, que je les respecte toutes, mais que j'ai besoin de toutes les catégories à la fois. Oui, mais de toute façon quand on fait des catégories, on se pose pas la question de savoir si on les aime, on essaie de comprendre, de faire des catégories. C'est-à-dire, dans la diversité des femmes, il y a des femmes qui sont plutôt qui cherchent le père et qui sont plutôt peureuses, d'autres qui assument parfaitement leur séduction et qui ont une sexualité plus agressive, plus castratrice, etc. Celles pour qui la sexualité est problématique, celles pour qui c'est un vecteur d'épanouissement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un travail de sociologue, qui était de faire des catégories. La pensée, c'est en général produire des catégories, hein, Oui, mais par exemple, vous dites, je sais plus, j'ai lu ça, que finalement le voile et le string, c'est la même chose, c'est peut-être un petit peu exagéré, non? Non, moi je pense que allez-y, Philippe. Je préfère le string que le voile. Mais oui, mais ça, on s'en fout que vous préfériez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'aujourd'hui, finalement, il y a deux manières d'être voilée pour les femmes. Il y a la femme voilée afghane, bon, c'est une chose, et puis il y a la femme entièrement refaite par la chirurgie esthétique, comme on voit en Californie, avec une fausse bouche, un faux nez. On peut penser d'ailleurs à la femme d'un certain président de la République aujourd'hui, si vous la regardez bien de près. Finalement, ce sont deux burkas, c'est-à-dire que ce sont deux masques derrière la femme, derrière laquelle la femme est cachée, et ce sont deux violences, puisque c'est imposé à la femme dans les D'accord. deux cas, puisqu'en réalité, l'obligation d'être jeune et belle jusqu'à 50 ans, alors qu'on en a 70 aujourd'hui, est une violence sociale imposée, exactement comme la burqa. Donc finalement, je dis, il y a la burqa occidentale et la burqa. Alors, c'est quoi une femme naturelle? Bah, c'est une femme qui assume, par exemple, comme vous, de vieillir gentiment et de faire son âge tout en restant jolie et pas d'avoir une bouche comme deux ballons de football, les traits complètement tirés et qui ressemble à un monstre qui fait peur et surtout où à un moment donné on reconnaît les visages, on reconnaît plus les visages mais les chirurgiens. On te dit tiens, celle-là elle est allée chez celui-là, celle-là c'est le professeur machin. Et quand vous vous baladez dans certaines. Philippe, il a pas tort quelque part. C'est très inquiétant. Bon, je dis pas ça parce qu'il vient de me faire un compliment, hein, mais. Oui, tout à fait. Je préfère tout à fait la femme naturelle qui vieillit naturellement bien et qui met en avant tous ses charmes, parce que chaque âge a ses charmes, bien entendu. Mais bon, il y a quand même une réalité sociologique. Vous voulez dire qu'une femme en string, ça vous fait plus bander qu'une femme voilée, Philippe ? Ça dépend comment est la femme, excusez-moi. Parce que parfois, vous prenez les transports en commun et vous voyez une fille qui a un pantalon taille basse et un string qui est pleine de vergetures, avec vilaine, etc. On aurait envie qu'elle cache un peu sa viande. Et puis, je veux dire que trop montrer va contre le désir. Il y a un désir de dévoiler dans le désir. Et moi, je pense qu'à un moment donné, on est allé trop loin. Les filles qui montraient tout. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'on se moque de la femme orientale, mais le ventre à l'air est une culture de l'érotisme absolument pas occidentale, mais totalement orientale. La culture du ventre et des hanches. Ça n'existe pas chez nous. Donc, en même temps, on se moque de la femme arabe, et toute la mode du pantalon taille basse et de montrer son nombril vient de l'Orient. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'analyse et du décryptage sociologique et de montrer les paradoxes et les mensonges. Donc je mets toujours le doigt là où ça fait mal. C'est pour ça que moi, je ne vais pas passer mon temps à dire du bien des femmes. Tout le monde l'a fait. Mais bien sûr, mais en même temps, c'est un peu normal qu'à ce moment-là, vous ayez beaucoup de femmes contre vous, parce que finalement... Oui, j'assume ça. Je crois même que votre sœur Agnès Sorel, elle est pas très, très... Vous êtes un peu en froid, non? Oui, mais on a peut-être intérêt à être en froid pour nos cibles respectives. Mais moi, je veux dire, il faut assumer quand on fait un travail de décryptage, de transgression, de politiquement un peu incorrect, on prend des coups. Je veux dire, moi, du moment qu'on me frappe pas physiquement sur le nez... Mais on a l'impression, merci Philippe en tout cas, mais on a l'impression, Alain Soral, qu'au fond, ça vous excite de prendre des coups. Un masque, finalement, une cuirasse, même, j'allais dire, que vous avez mis pour justement pas montrer votre sensibilité? Oui, mais ça, c'est de la psychologie assez classique. Quand souvent, les gens un peu provocants et un peu rentre-dedans sont en fait sensibles. Qu'en général, les escrocs, les tartuffes sont très sympathiques, apparemment. Sûr, oui. Et qu'il y a des gens qui gagnent à être connus et d'autres, c'est l'inverse. Moi, je préfère être quelqu'un dont on pense qu'il est une brute et un salaud et qui gagne à être connu, parce que là, il y a une progression dans l'intime. C'est toujours mieux de voir que c'est mieux à l'intérieur qu'en vitrine. Et j'ai souvent remarqué que les autres, c'était l'inverse. Les politiques sont des spécialistes d'ailleurs de ça. Ils sont gentils avec tout le monde, ils serrent la main aux petits-enfants, aux orphelins, et on sait très bien que ce sont des brutes souvent dans leur métier. Moi, j'ai joué un peu la carte inverse parce que c'est ma nature, et c'est pour ça c'est que vrai vous avez que c'est un jeu aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez lancé sur Internet Flash, le journal gentil et intelligent. Oui, par rapport à Rakiri, le journal bête et méchant, mais qui en fait ressemble beaucoup à... Moi, j'aime beaucoup le professeur Choron, je m'en sentais très proche, qui est un personnage pareil, un peu comme moi d'ailleurs. Vous avez raison, moi je connaissais le professeur Choron, et c'est vrai qu'il avait... C'était un type délicieux en privé. Tout à fait. Une sensibilité qu'on est très respectueux des dames et très correct. Alors on va continuer avec les questions d'auditeurs. C'est Florent visiblement qui a une question à vous poser. Bonjour Florent. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Bonjour. Très heureux de poser une ou deux questions si c'est possible. Allez-y Florent. Alors la première chose, c'est que je revenais un petit peu sur le fait que Alain, quand il était plus jeune, il draguait beaucoup de femmes, d'après ce que j'ai compris. C'était un jeu à sport, mais est-ce qu'il a dragué... Est-ce qu'il a déjà dragué deux femmes en même temps? Est-ce que vous avez déjà fait l'amour à deux femmes? Oui, enfin, ça forcément, 3, 4, 5. C'est forcément arrivé quelques fois dans ma vie. Non, deux, oui, d'accord. Plus, je crois pas. Et j'ai donc, pas souvenir. Mais ça fait partie des expériences. Quand on est jeune, on cherche à vivre des expériences. Il y a quand même, si on est un peu curieux, etc. Donc ça m'est effectivement arrivé. Et je dois dire que je trouve pas ça terrible. Voilà. D'en avoir deux en même temps. Oui, c'est beaucoup de boulot. C'est un peu angoissant, quoi. ça fait partie des jeux qu'on fait pour se prouver à soi-même des trucs. Mais franchement, c'est pas quelque chose que je recherche. Moi, je trouve que la relation deux personnes face à face, quand on passe la barrière, qu'on va vers l'intimité et le corps, etc., est un moment très intéressant à tous les niveaux, psychologiquement, humainement, émotionnellement. Et il n'y a rien de plus passionnant que l'intimité avec une personne. Et d'ailleurs, pour moi, ça reste quelque chose de mystérieux, de miraculeux, avec un mélange de peur, de plaisir, etc., qui est sans équivalent pratiquement, avec peut-être la poésie. Alors, Florent, et la musique. Quoi. Florent, il nous reste peu de temps. Je crois que vous aviez une autre question à poser à Alain Soral. L'autre question, très rapidement, c'est est-ce que vous avez déjà dragué des hommes? Non, alors franchement non. Moi, je me suis souvent fait draguer quand j'étais plus jeune, parce que quand on est jeune, un peu mignon et qu'on va dans les boîtes de nuit, il y a un contingent de vieux homosexuels pour lesquels on est aussi un gibier. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, grâce aux homosexuels, un, qu'on peut être un gibier, ce qui est assez troublant, et deux, qu'on peut plaire. Parce finalement, vous arrivez toujours à vous en sortir avec des explications très sociologiques, parce plutôt que c'est la réalité. Plutôt que de parler de vous. Moi, l'intérêt, par exemple, des homosexuels, je vais vous dire, c'est que j'ai compris que j'étais beau et que je plaisais. Grâce au PD, parce qu'il me draguait. Alors que ma mère, ne m'ayant jamais dit fait le moins de compliments, parce que souvent tout passe par la mère, vous le savez très bien, j'ai en fait découvert... Et comme les filles sont discrètes... Le père aussi. Mais vous savez, quand on parle beaucoup de sa mère, c'est qu'on a... Florent, vous vouliez également demander s'il était pour ou contre le mariage des homos. Vous êtes pour, oui. Hein, Florent, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Tout à fait. Moi, je suis contre, mais pour des raisons simples, c'est que je pense que les trois quarts des homosexuels que je connaisse ne veulent pas se marier. Ils sont pas devenus homosexuels pour imiter les hétéros. Et que je pense que c'est une revendication très marginale chez les homos, et je n'aime pas les gens qui singent les institutions. Voilà, quand on est homosexuel, c'est justement pour ne pas être comme les, suivre le parcours normal. Et c'est un peu ridicule de voir deux types avec un qui, lequel va porter la robe blanche. Il y a un côté grotesque dans les mariages homo, et qui quand même veut dire quelque chose. C'est que c'est un peu grotesque. Et c'est singé. Je n'aime pas qu'on singe la normalité. Eh bien, voilà. Merci, merci Alain, Florent. Merci Alain Soral. Gardez votre humour et oui, parce que mes livres sont drôles quand même. Montrez un peu plus votre sensibilité. Non, mais je la réserve en privé. Oui, mais peut-être que ce serait bien de la montrer un peu plus en. Dans les livres, elle est Dans les livres, elle y est, c'est vrai. Voilà. Misère du désir, chute, c'est une réédition, Bibliothèque Blanche, si vous voulez justement découvrir. Mais c'est en poche, comme ça, c'est moins cher. Voilà. Merci Alain Soral. Merci.